Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Picasso, la grande figure emblématique de l'art au 20e siècle. À l'heure où Freud décompose et dissocie le subconscient, à l'heure où Einstein décompose, désintègre l'énergie et la matière, eh bien Picasso, lui, décompose et désarticule les plans et les volumes et le mouvement des êtres et des objets. Il décompose les apparences de la vision. Freud, Einstein, Picasso, trois géants qui, chacun à sa manière, a révolutionné le 20e siècle, nous dit en substance le journaliste Jean Sarrazin dans cet extrait du carnet Art et Lettres du 9 avril 1978. Comment mesurer l'influence d'un Picasso? Comment décrire l'essence de son œuvre? Comment ne pas être complètement subjugué par tout ce qu'il nous a laissé? Hier soir, c'était fantastique. Je vous regardais au milieu de cette salle immense. Vous étiez petit, presque perdu même, au milieu de cette foule. Oui. Est-ce que vous avez été quand même impressionné J'étais impressionné, en tout cas très touché de, ce, de cette espèce de sympathie, amour, ou je sais pas, ou amitié que et tant de gens me portent. Justement, vous aimez beaucoup le mot amour, Pablo Picasso. Mais oui, même une jeune fille que l'un jour m'a interviewé pour je ne sais pas quel journal, je lui avais dit ça, vous savez, pour moi, il n'y a que l'amour, n'est-ce pas? Si vous deviez choisir vous-même l'époque, la peinture, la toile qui devrait vous survivre, est-ce que quelle serait cette toile, quelle serait cette période? Je ne sais pas, c'est difficile. C'est fait avec des intentions tellement du moment, de l'époque et de l'état dans lequel tout le monde et moi nous nous trouvons, que c'est très difficile. Au moment de Guernica, j'ai fait Guernica, n'est-ce pas? Parce que c'était une grande catastrophe. C'est vous personnel, êtes... n'est-ce pas? Au fond, sont des mémoires qu'on s'écrit soi-même. Pablo Picasso, dans l'une des rares entrevues qu'il va accorder en français dans les années 60, pour nous présenter ce grand maître qu'a été Picasso, mon invité Anne-Marie Bouchard, qui est conservatrice de l'art moderne pour les années 1900 à 1949 au Musée national des beaux-arts du Québec, à Québec. Anne-Marie Bouchard, bonjour. Bonjour. C'est vrai que quand on parle de Picasso, je reviens à l'extrait qu'on entendait au tout début de l'émission, c'est non seulement un géant dans le monde des arts, c'est un géant du 20e siècle carrément, mais revenons quand même avec vous à son importance dans l'histoire de l'art. Pourquoi et de quelle manière a-t-il été aussi important dans l'histoire de l'art au 20e siècle? Bien, en fait, je pense qu'il arrive à un moment où il y a déjà une effervescence majeure dans l'histoire occidentale de l'art, surtout autour de la ville de Paris, et qui va vraiment parvenir à faire une synthèse de tout ce qu'il voit, de tout ce qu'il connaît, de l'histoire de l'art avant. C'est quelqu'un qui se positionne par rapport aux anciens, il copie les anciens. Il est aussi extrêmement sensible à ce que font ses contemporains. Et donc, à travers tout ça, il arrive à développer un style qui lui est parfaitement original, qui est très, très, très personnel, mais dans lequel on reconnaît des influences qui sont tellement larges, tellement vastes, tellement diversifiées aussi, qu'on a l'impression d'être devant quelqu'un qui avait une puissance de vision, une capacité de synthèse vraiment hors norme et qui est arrivé à faire vraiment, à avoir un regard sur son époque qui était toujours de bon ton, ouais, exactement sur ce qu'il fallait dire. Et sa grande force, c'est qu'au fond, autant il va influencer à peu près tous les courants artistiques, autant il échappe lui-même, il adhère à aucun, enfin, en gros, il adhère à aucun mouvement artistique. Non, en fait, et même on pourrait dire que le cubisme, c'est quelque chose qui lui est imposé, parce que c'est un critique qui va nommer le cubisme cubisme, et il sait pas, ce n'est pas Picasso qui fonde des mouvements. Picasso, il surfe, ouais, il surfe vraiment au-dessus des en mouvements influençant artistiques. Tout le monde. Et il est en réseau avec tout le monde, il est en communication, sa correspondance est hallucinante. Il parle avec tous les artistes, que ce soit en Russie, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie. Il est au centre de tout cela et en même temps, il surfe au-dessus de tout cela et il est influencé par tous, mais il ne va jamais adhérer à un courant stylistique précis dans lequel il va s'enfermer jusqu'à la fin de sa vie, qui est souvent finalement ce qui amène à la fin d'un artiste et ce qui ne sera pas son cas. Et puis, ce qui est aussi très fort chez Picasso, quand on essaie de comprendre un peu sa démarche, sa conception de l'art, c'est que tout part de lui, en fait. Oui, c'est une œuvre extrêmement autobiographique à tous les moments de sa vie. Dès son plus jeune âge, sa première œuvre, quand il a 8 ans, le Picador, c'est quelque chose. Et il commence à aller voir des corridas avec son père au même âge, à 8 ans. Il fait une représentation d'un, mm-hmm. d'un acteur de la corrida. Et toute sa vie durant, les thèmes qui sont proches de lui vont être au centre de son œuvre, que ce soit les femmes, la corrida, tout ce qu'il voit, les événements mm-hmm. politiques dans le cas de Guernica. On regarde Picasso et ce qu'on voit, c'est vraiment une œuvre profondément autobiographique qui met à l'avant-plan beaucoup de sa vision du monde, mais aussi de sa façon de le ressentir. Ouais. Avec une légitimité, une confiance en soi qui sont assez phénoménales, il va dire « l'important n'est pas de chercher, mais de trouver ». Et en fait, on pourrait rajouter « de trouver en soi ». C'est un peu ça la démarche de Picasso. Comment ça commence? Comment tout commence pour Picasso? Il naît d'abord, il faut le dire, dans une famille tournée vers les arts. Donc, très jeune, il est encouragé dans sa démarche artistique. Ouais, il naît en 1881 dans le sud de l'Espagne, à Malaga, dans une famille. En fait, son père est professeur de dessin et de peinture et est aussi conservateur de musée. Donc, il vit dans un milieu qui est non seulement propice, mais il va être encouragé. Et ses parents vont croire en lui pendant tout le temps qu'ils vont être vivants. Ils vont vraiment l'encourager dans c'est très différent de la plupart des artistes ouais. de cette époque. Il n'est pas du tout dans un genre de contexte d'adversité. Et donc, ça lui permet de fréquenter plusieurs écoles artistiques à Barcelone. Il va être admis à l'Académie royale de San Fernando à Madrid, qui est l'école la plus importante en Espagne à cette époque. Mais ce qui est surtout phénoménal, en fait, dans sa façon d'apprendre, c'est plus on pourrait dire qu'il est autodidacte, mais il ne l'est pas parce qu'il fréquente les écoles, mais c'est surtout à travers la copie au Prado, par exemple. Il va aller dans les musées, il va copier dans la vie de tous les jours où il trouve vraiment des sources d'inspiration. Et c'est plus ça qui va le former parce qu'il va assez rapidement laisser tomber l'Académie ouais. royale de San Fernando en 97. Il s'en détourne et il décide d'être plutôt dans des pérégrinations. Il va d'espace en espace, de Paris à Barcelone. Et c'est à travers tout ça qu'il se forme. Parler de Paris, ça va être important. Il arrive à Paris en 1900. Il n'a alors que 19 ans, ce sera une période vraiment très importante. Comment résumer cette période parisienne de ses débuts? Mais en fait, à Paris, en 1900, c'est comme il se passe tout. C'est un moment charnière. Il va fréquenter les cabarets du quartier Montmartre, le Moulin de la Galette. On pense au Chat Noir. Il y a vraiment quelque chose de presque mythique de rattaché à ces lieux. C'est aussi une culture qui est très proche de l'anarchisme. Donc, c'est une culture qui est très, très, très revendicatrice aussi, qui essaie de complètement de mettre de côté les conventions, qu'elles soient sociales ou politiques. Il y a vraiment un caractère différent dans ce quartier et dans toute cette bohème dans laquelle ouais. il va évoluer. Et ça va avoir une répercussion pour le restant de sa carrière parce qu'il est à l'aise dans ce milieu. Il s'intéresse aux personnes pauvres, aux personnes qui sont les laissées pour compte. C'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être un lien aussi avec la culture anarchiste. Et il est intéressé par tous les gens qui sont un peu en marge et aussi par une culture de nuit très particulière avec les prostituées. Tout ça, c'est quelque chose dont il se sent proche et il y a de la sympathie, en fait, pour ces personnes. Il y a deux périodes qui sont facilement identifiées. En un mot, la période bleue oui. et la période rose, ça se passe à Paris sur oui. quelques années. Oui, ça dure. En fait, en 1901, son grand ami Carlos Casagemas va se suicider dans un café parisien parce que sa copine de l'époque, qui est une danseuse de cabaret, est assez volage. Et le grand ami de Picasso va convier des amis dans un cabaret, dans un café, et va tenter d'assassiner sa copine Germaine. Puis ça ne fonctionne pas et il se tire une balle de fusil dans la tempe. Et c'est vraiment le début de la période bleue de Picasso. Période bleue parce que c'est la teinte qu'on va voir générale des œuvres jusqu'en 1904. Les œuvres sont toujours dans des teintes de bleu avec des personnages qui sont souvent splénitiques. On est vraiment dans la mélancolie, le mal-être, la langueur de vivre, la difficulté de vivre avec des personnages, la vieillesse, la mort, tout ça, c'est ce qu'on voit. Et en 1904, tout change avec la rencontre de Fernand Olivier et le départ de la période rose, où là, on est vraiment plutôt dans une volonté de représenter le corps humain, la beauté, le bonheur, en fait, que lui procure cette nouvelle relation. Et ça va le suivre toute sa vie. Les femmes, on y reviendra, mais on va être présentes tout au cours de sa vie et de son œuvre. En 1907, il peint son premier grand tableau, Les Demoiselles d'Avignon. C'est déjà une petite révolution dans le monde des arts, ce tableau-là. Pourquoi? En fait, Picasso, à ce moment-là, et dans son contexte, je le disais tout à l'heure, il est très perspicace. Et c'est aussi un moment où il y a beaucoup d'artistes qui vont s'intéresser à l'art africain. Et il observe aussi beaucoup les courants artistiques qui sont en place à Paris et est très intéressé par l'œuvre de Cézanne. Et c'est un peu une synthèse de toutes ces choses-là qui sont très effervescentes pour lui, qui sont nouvelles dans son esprit, qui vont se faire voir, en fait, dans Les Demoiselles d'Avignon. C'est une révolution pour la plupart de ses contemporains parce que c'est vraiment un moment où il abolit la perspective qui est ce sur quoi est fondée la représentation classique occidentale depuis toujours. Ce qu'on voit, en fait, c'est cinq figures de prostituées carrément qui nous regardent, qui sont très angulaires, qui nous regardent directement dans les yeux avec un regard très franc, avec encore cette teinte de bleu, cette teinte de rose. Il y a un peu tout. On sent encore qu'on est dans l'autobiographie. Mais les visages ont l'air de des masques africains. On voit que les côtés angulaires de la représentation, c'est quelque chose qu'il va emprunter à Cézanne, à Paul Cézanne, mais qui va pousser beaucoup plus loin. Oui. Et c'est vraiment cette espèce de fièvre qu'a toujours Picasso de pousser plus loin ce que ceux qui sont venus avant lui et qu'il connaît très bien ont fait, qui va l'habiter à partir de ce moment-là. Mm-hmm. Évidemment, à la suite de ce tableau géant, Les Demoiselles d'Avignon, on va commencer à parler de cubisme. Vous y faisiez référence au début de l'émission. Il y a comme deux figures importantes. Les pères du cubisme, c'est Georges Braque et Pablo Picasso. Comment comparer leur importance, ce qui appartient à chacun dans ce que va devenir le cubisme? Oui, en fait, Georges Braque, à la différence de Picasso, est quelqu'un qui a déjà une carrière qui est bien entamée. Il est bien connu pour son travail qu'on appelle auprès des fauves, en fait, du fauvisme, alors que Picasso est une figure différente, qui est un peu plus jeune et qui arrive à Paris plus tardivement, donc il est moins installé. Mais ils vont vraiment se rendre compte qu'ils ont un intérêt, tous les deux, pour la déconstruction de la figure, la déconstruction des espaces. Mm-hmm. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils vont commencer à travailler ensemble. Leur héritage est différent aussi parce que Braque va être mobilisé, donc il va partir à la guerre et donc le mouvement de travail commun va se terminer assez rapidement. Ce qui est remarquable aussi dans le parcours de Picasso, c'est que c'est la seule fois où il y a une véritable communion artistique avec un autre artiste. Ouais. Ce travail avec Braque. 1917, il part pour Rome. Quelle importance ça va avoir, quelle influence ça va avoir sur son art? Bien, il travaille pour les ballets russes, en fait, avec Sergueï de Diaghilev, et ça a une importance sur son art parce que ça modifie cette espèce d'aspect théâtral, ça modifie le contexte dans lequel il évolue aussi. Il est dans une dynamique avec des danseuses, avec la musique, tout ça. Il y a quelque chose de plus, je dirais, synthèse des arts. Ça a aussi une influence sur sa vie personnelle parce que c'est là qu'il va rencontrer une de ses conjointes qui va être la femme avec qui il va avoir son premier enfant, Paul. Ouais. 1937, autre grand tableau. On parlait il y a un instant des Demoiselles d'Avignon. L'autre grand tableau qui va être un autre coup de tonnerre dans le monde des arts, c'est Guernica. Pourquoi ce tableau-là est si important et qu'est-ce qu'il nous dit, ce tableau, sur Picasso? En fait, Picasso reçoit la commande de l'État espagnol pour en fait participer à l'exposition universelle de 37 et il manque un petit peu d'inspiration et survient en avril 36 le bombardement de Guernica par les forces allemandes et italiennes qui veulent appuyer le général Franco. Et donc, c'est vraiment un coup de tonnerre dans son esprit. Il est à distance, donc il est à Paris, et ça vient tellement frapper son imaginaire qu'il va produire cette œuvre-là en l'espace d'à peu près un mois. C'est une œuvre absolument gigantesque, dans laquelle on voit à peu presque toutes les thématiques fortes du travail de Picasso, le taureau, la femme avec l'enfant mort dans ses bras. Et c'est une œuvre d'une extrême importance aussi, parce que c'est peut-être là que se canalise le plus facilement et le plus visiblement son implication politique, qui est peut-être un peu floue, mais qui est toujours là, en fait, qui est toujours présente dans son travail, mais qui, là, est vraiment visible tout d'un coup. Ben, on va en parler, justement, de cette dimension plus politique de Picasso, dans quelle mesure elle existe ou pas. Guernica, évidemment, c'est sa toile probablement la plus politique. On écoute le biographe de Picasso, Pierre Dex, parler à l'émission Au fil des arts en 1978 de ce côté politique engagé ou pas de Picasso. Les situations politiques sont arrivées dans sa peinture qu'après le surréalisme. Elles sont arrivées avec le fascisme. Et là, évidemment, ça donne Guernica, la peinture de la résistance, avec certaines peintures après l'adhésion de Picasso au communisme. Picasso a été communiste pour être avec les pauvres, pour être du côté du peuple qui s'était battu contre le fascisme, et pour essayer de faire que son art communique avec ce peuple qu'il estimait. C'était une vision idéale et romantique du communisme, et assez loin, comme vous pouvez vous imaginer, des intérêts du parti. Alors ça a provoqué des crises, comme celle que je raconte avec le portrait de Staline, mais ça a provoqué, chez Picasso, un effort d'arriver à une peinture politique. Et au fond, cette peinture politique, il l'avait trouvée avant d'être communiste, avec Guernica, et il ne l'a pas retrouvée après. Dans quelle mesure Picasso est-il ou pas un artiste engagé, Anne-Marie Bouchard? Je pense que c'est une question de perspective historique sur la chose. Moi, je ne vois pas nécessairement les choses de la même manière. J'ai tendance à penser que Picasso, ayant toujours été intéressé par les personnes en marge, en particulier dans ses années de formation, quand il arrive à Paris, c'est quelqu'un qui est assez proche des milieux anarchistes, en fait, à cette époque-là. Sans être directement impliqué, il en est proche. Et si c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement toujours visible directement dans son travail, c'est quelque chose qui est toujours latent. On sent qu'il y a cette influence-là, qu'il y a cette sensibilité, cette sympathie pour des courants de pensée qui ne sont pas des mouvements politiques, mais qui sont quelque chose de l'air du temps. Ouais. Ces fameuses colombes qui viendront plus tard sont un bel exemple de ça. C'est un mouvement, c'est une idée, une pensée, la paix. Ça va être célèbre, cette fameuse colombe qui incarne la paix. Ouais. On parlait des femmes de Picasso un peu, qui vont être importantes dans sa carrière. Penchons-nous justement sur la représentation qu'il va en faire, sur le rapport qu'il aura aux différentes femmes de sa vie. On écoute d'abord Geneviève Laporte en entrevue. Qui est l'une de ses muses, donc, en entrevue à Christiane Charette en direct en 1998. Il y a un des dessins, il a fait cinq étapes de ce même dessin. Il a même noté jusqu'à l'heure, c'était la même journée, même le dernier de minuit, 0h20. C'est tout ce qu'on appelle maintenant l'époque Geneviève. Et dans toute la vie de Pablo, il n'y a que deux séries de dessins comme ceci, c'est-à-dire il n'y a que de la tendresse, pas un seul trait méchant, pas une seule déformation. C'est Marie-Thérèse Walter vers les années 27-28 et moi. Tout le reste du temps, regardez les portraits qu'il a faits des femmes avec qui il vivait. Donc avec vous, il a eu une relation facile. Oui, je crois. Oui. Ah oui, moi, je suis toujours très surprise. Et vous lui avez bien survécu, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des femmes qui ne lui ont tout simplement pas survécu. Oui, bon, c'est vrai, Olga Skoklova, qui était tout de même danseuse des ballets d'Aguilev, ça a été terminé, d'accord, au point de vue financier, matériel, il n'y avait aucun problème, mais elle a arrêté de danser. Ensuite, Marie-Thérèse Walter s'est pendue à l'espagnolette de sa fenêtre. Dora Maar, il a fallu l'enfermer comme folle. Enfin, elle a fini, il y a très peu de temps, on l'a enterrée, quelques jours après les Didi, mais elle, il y avait que 7 personnes à son enterrement. Elle s'est retirée dans un couvent. Et moi, quand j'ai refusé de le suivre à Valoris, pour des raisons assez complexes, je l'aimais. Ce n'est pas parce que je ne l'aimais plus, ce n'est pas ça du tout. Mais je sais que Jean Cocteau, donc, qui venait de m'illustrer aussi un livre, m'a dit « Tu as sauvé ta peau ». Et je pense qu'il n'a pas eu tort. Alors, quel rapport il aura, Picasso, avec les femmes de sa vie? Quelle représentation il en fera dans son art, Anne-Marie Bouchard? Mais elles sont extrêmement présentes et on sent vraiment les soubresauts de ses relations dans son travail stylistiquement. Donc, elles sont toujours présentes et effectivement, c'est vrai que pas qu'il les détruit, mais souvent, il les rencontre. Plus il est vieux, plus elles sont jeunes. Ce sont des femmes qui sont dans la fleur de l'âge, qui n'ont peut-être pas son expérience de vie et son flegme. Et puis, elle se retrouve propulsée à l'avant-plan aussi en étant la compagne et la muse de Picasso tout un coup. C'est pas nécessairement facile à vivre, je pense. Mm-hmm. Et dans les représentations qu'il va en faire, il les regarde sans filtre. C'est surtout ça qui est particulier. Dans le cas de Dora Maar, c'en est hallucinant. C'était aussi une photographe et une artiste, mais quel artiste est-on quand on est dans l'ombre de Picasso? Mm-hmm. Donc, sa carrière, elle, en a souffert. Et c'était une personne qui avait des fortes tendances dépressives. Et donc, Picasso l'a représenté plusieurs fois en femme qui pleure dans des représentations qui sont loin d'être très intéressantes à regarder quand c'est nous-mêmes. Là. Au tout début de l'émission, Jean Sarrazin faisait la comparaison entre Einstein, Freud et Picasso. En préparant l'émission, je lisais des articles où on disait que on n'a pas parlé de la période surréaliste. Comment se situe Picasso par rapport au surréaliste? Il va les côtoyer, mais on faisait un peu un amalgame dans cet environnement surréaliste. Il va se mettre à faire des portraits de ces femmes, pour revenir à Freud, qui sont, dans les analyses que je voyais, à certains égards, ces représentations freudiennes. Obsession de la sexualité et un regard parfois assez dur sur les femmes. Oui, un regard dur sur les femmes. Et je dirais, dans le cas de sa relation avec le surréalisme, ça va plus loin que ça parce qu'on voit aussi que ce qui l'intéresse dans le surréalisme, c'est le rapport à l'inconscient et aux pulsions. Oui. Et donc, la bestialité, le rapport entre la bête et l'homme, il fait souvent des minotaures. Donc, il y a quelque chose dans tout son travail qui tend vers ce qui intéresse les surréalistes aussi. Et c'est vraiment une époque où ses relations sont très difficiles, entre autres avec Olga Koklova, la danseuse des ballets russes. Et effectivement, il fait des représentations d'elle qui sont difficiles. Et par la suite, il y a le rappel à l'ordre aux années 20 où on tombe dans plus de classicisme. Mmh. Et là, les représentations s'adoucissent, mais on va par vagues comme ça avec Picasso, dépendamment de comment vont ces relations. Mais y a-t-il quelque chose, pour revenir sur cette comparaison avec Freud, de freudien, dans la représentation qu'il fera de ses femmes? femme? Ben, je dirais que en tant que jeune femme, aujourd'hui, je trouve ça parfois difficile à regarder aussi, ouais. Parce que quand on se rend compte qu'il rencontre telle personne, elle a 21 ans et lui, il en a 60, et que ça devient sa femme. Donc, il y a comme un rapport de force et un rapport d'expérience de vie qui est très différent. Oui, il y a quelque chose de freudien. Peut-être qu'il n'y avait pas de misogynie, mais j'ai de la difficulté à m'en échapper quand je regarde le travail maintenant, aujourd'hui. Mais c'est sûr que j'ai le regard de mon temps. Donc, c'est aussi différent. Un petit mot sur le côté plus, les Français diraient « people » de Picasso. Après la Deuxième Guerre mondiale, il va vivre très longtemps. Il s'installe dans le sud de la France. C'est une longue période méditerranéenne qui s'ouvre pour lui. Et c'est là vraiment qu'il devient une vedette, une star. C'est la vie des gens de Picasso, riche et célèbre, en fait, tout simplement. Celui qu'on entendait au début de l'émission. Oui, il s'installe dans la Méditerranée. Il achète plusieurs châteaux. Il a de nombreuses résidences et il se promène. Et il redécouvre aussi la culture méditerranéenne et il se met à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de céramique. Ouais. Donc, il y a vraiment une production particulière à cette époque qui est extrêmement intéressante, mais qui est très différente de ce qu'il faisait avant. Terminons cette émission en essayant de décrire et de mesurer l'héritage que nous laisse Picasso. Je vous propose, pour y arriver à cet héritage, d'entendre, c'est amusant, vous allez voir, les commentaires de visiteurs d'une rétrospective consacrée à Picasso au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on est en 1964. Mon opinion à moi, c'est qu'il y a de très belles choses. Puis il y a des choses qui sont aussi très discutables, n'est-ce pas, qui ne resteront pas. Je pense que dans 100 ans d'ici, la légende de Picasso aura beaucoup diminué. Ben, Picasso, je l'aime en tant qu'homme révolutionnaire, puis en tant qu'homme libre, c'est-à-dire de ses opinions. Il faut s'exprimer, et puis non seulement ça, au point de vue conventionnel, c'est un homme qui n'est pas conventionnel. Il a révolutionné l'art, enfin, avec parmi lui, il y avait Davinsky qui a fait de l'art très léger, tout ça, parce qu'on sent que c'est un homme qui sait ce qu'il veut, et il se libère de toutes les conventions sociales. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui, Anne-Marie Bouchard, de Picasso et de son œuvre? Ouais, il reste tout, en fait, parce qu'on continue à écrire sur lui, à le redécouvrir constamment, et il reste une figure fondamentale du 20e siècle, justement, parce qu'il a été tellement central dans l'ensemble des réseaux artistiques qu'on ne pourra jamais l'oublier. Mm-hmm. Il va toujours être central, il aura toujours cette posture. Tout le monde le connaît, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Exactement. C'est même pas une question. Moi, c'est le premier tableau en tant que jeune historienne qui m'a marqué dans mon enfance. C'est un tableau de Picasso. Donc, je pense que pour beaucoup de personnes, ça reste aussi ça. On ne se tanne pas d'en voir et on se rend compte que son œuvre est tellement large qu'il y a toujours de nouvelles facettes qui se révèlent à nous. Et quelque chose de très, très moderne. Très, très humain aussi. C'est vraiment l'humain qui est au centre de son œuvre lui-même et les humains en général. Ouais. Et ça, c'est pas toujours évident, en fait, en art moderne, de pouvoir vraiment centrer quelque chose sur l'humanité, mais il l'a réussi de façon totalement magistrale. Petit mot sur l'influence qu'il aura ici, au Canada, au Québec. Il y a eu une grande influence parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont partis juste avant la guerre en France pour étudier, dont Jean Dallaire, entre autres, et même Charles Daudelin, après la guerre, vont faire plusieurs natures mortes qu'on voit dans la collection du Musée national des Beaux-Arts du Québec, des natures mortes cubistes, directement inspirées du travail de Picasso. Anne-Marie Bouchard, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça fait plaisir. Merci. Anne-Marie Bouchard, conservatrice de l'art moderne pour les années 1900 à 1949 au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Charles-Antoine Lemay. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.